Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On espère avoir branché le char parce qu'on s'en va rejoindre Kiwan en cavale en Alberta. On reçoit Angélie Durocher qui nous parle de la GUTA. On reçoit aussi une invitée spéciale pour parler d'un événement de dégustation. À Assemblage requis, ça commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 28 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Bon premier matin de la deuxième partie de l'hiver. Ouais. La neige ce matin. Il neige. On n'en veut plus. Ben non. C'est fini, ça. Hey. C'est supposé être fini, du moins. Personne comprend le message, c'est quoi? C'est pas. Dame Nature, qu'on avait trouvé son nom, je pense, parfois. Dame ouais. Nature, c'est ça? Et peut-être fâché. Ouais. Peut-être qu'elle nous envoie là, des signaux comme quoi que non. Non, qu'est-ce pas tout de suite. Pas tout de suite. Ouais, donc aujourd'hui à l'émission, on va avoir notre ami Kiwan, qui d'habitude est lundi, mais aujourd'hui, ben, c'est mercredi, c'est aujourd'hui qu'il fait sa chronique. Kiwan en cavale, il va nous parler de trois groupes de musique probablement canadiennes, c'est, d'habitude c'est pas mal ça. Bon. Great Lake Swimmers, Brave Irene et Tirana Horse. Spécial comme nom, Tirana Horse. Tirana Horse. Ouais, donc c'est tout à l'heure vers les 7h15. Plus tard dans l'émission, à 8h, François-Olivier Marchand, qui est-ce qu'on a? À 8h, on va recevoir Angélie Durocher qui va nous parler de la GEUQTR. C'est intéressant. Et puis, en fin d'émission, on va avoir une invitée spéciale qui va nous parler d'un événement de dégustation. On n'a pas tous les détails, c'est justement pour ça qu'on la reçoit, pour en avoir des détails. Exactement. Donc, ça, c'est à 8h45. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, la chronique Geek Cynix. Donc, reste avec nous pour ça. On débute avec Dumas. On a enfin reçu son album complet, L'heure et l'endroit. On en parlait hier un tout petit peu. Et l'extrait qu'on avait entendu hier, c'est maintenant retrouvé dans le palmarès francophone. Oh, ouais, pour vrai. Donc, voici Souvenir en mitraille. Ah, c'est fou! Dans vos oreilles. Ma solitude est infinie. Plus je pense me rapprocher, plus je m'éloigne. Comme une course sans fin au bord d'un ravin. Saisons à mesurer ton départ, on tira des millions d'années. Je me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique, je suis rendu plate à mourir, je file mon cerveau ramollir. Ça vaut, oui. Lisa Leblanc à son âge requis, c'est une nouvelle entrée du palmarès francophone. Évidemment, le palmarès est composé de 40 pièces en tout et il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. T'sais. C'est pour ça que tu dis. C'est pour ça que je dis ça, il y en a pour tous les goûts. Exact. Pas nécessairement toutes, c'est les miens. Non. Donc, Lisa Leblanc, avant ça, on a entendu Dumas, qu'on adorait avec la pièce c'était Souvenir en mitraille. Exactement, sur l'album L'heure et l'endroit. Tout à l'heure, dans quelques secondes, on va entendre une autre nouvelle entrée du palmarès, mais cette fois-ci du côté anglophone, c'est celle de Zeus, une formation qui fait un retour et j'adore ça, Zeus. Mais avant ça, question d'en parler le plus souvent possible parce que c'est important et qu'on est en plein dans le milieu des élections de la GAQTR. On va en parler rapidement pour vous dire encore une fois d'aller sur le portail étudiant pour cliquer sur le gros bouton orange, François. Oui, exactement. En plein milieu, vous allez voir, ça apparaît, ça saute dans votre face. Gros dessin bien fait, c'est joli ça. Ouais. Vous votez pour vos candidats préférés. La plupart du temps, vous avez seulement une option ou la chaise. Donc, dans le fond, deux options. Ouais, toujours deux options. Mmh. Et il y a un poste qui a trois personnes. C'est le poste de socio-culturel. Ouais, exactement. Voilà, donc vous faites vos choix. Et pour en savoir plus sur chacun des candidats, il y a un petit texte et une photo sur le portail. Il y a aussi ça dans le journal Zone Campus. Si vous voulez vraiment être super multitask, d'avoir votre Zone Campus à gauche, votre écran à droite, puis oh, qu'est-ce que je vais faire? Un peu comme vous sentez dans un film de science-fiction. Ouais. Genre. Donc, c'est sur le portail. Vous avez jusqu'à demain, jeudi 29 mars. Et les résultats vont être dévoilés vendredi 30 mars à 17h à la Chasse-Galerie. Voilà, plus d'informations aussi sur agaqtr.org. Parfait, merci. On va en parler plusieurs détails avec Anne-Julie Durocher dans sa chronique AGAQTR vers les 8h. Mais pour l'instant, voici Zeus et Are You Gonna Waste My Time? Sur C'est fou. 89 FM dans vos oreilles. Elle commençait un peu trop comme Lisa Leblanc, je trouvais l'autre. Ouais. You said Galaxy avec Entre la lumière et le bruit à Assemblage Requis. Juste une petite correction, tantôt on parlait des élections de la GEQTR, tu me disais François que les résultats vont être dévoilés vendredi à midi et non pas à 17h. Ouais, supposé. Voilà, ça va prendre d'aller voir le site officiel. Faut aller sur Facebook pour avoir les informations de nos jours. Mais on va avoir une Julie, donc elle va nous éclaircir ça. Voilà. Maintenant, François, je pense qu'il neige aujourd'hui. Ouais. Probablement. Donc, est-ce qu'on embarque sur la motoneige? Sur de la motoneige. Skidoo. Voici Kiwan en cavale. C'est un drôle de skidoo, ça. Ouais. Pas comme un drac pas mal, ça fait, là. Je sais pas si, si Kiwan serait du type, parce que là, il y a un camion de crème glacée qui vient de passer dans son intro. S'il fait aussi de la tire d'érable, tu sais, peut-être, sur son, dans son camion, peut-être avec de la neige dedans. Sur de la crème glacée trois couleurs. Miam! Napolitaine, hein, Kiwan, salut! Oui, bonjour! Hey, ça va bien? Oui, moi, ça va très bien, vous? Oui. Tu nous donnes faim. Oh, ouais, exact, là. Ça m'a donné le goût de manger la crème glacée. Ah, la tire d'érable, c'est quand, ça, la tire d'érable, ici? Ben, c'est pas mal, là. Sans rien. Donc, Iwan, en direct de l'Alberta, en direct de quoi? Medicine Hat? Oui, exactement, Medicine Hat, là, où il n'y a pas d'érable, pas de tire d'érable. Malheureusement. Aucun temps des sucres. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, coudon? Il n'y a pas d'arbre, donc il y a des champs. Des champs. Y a-tu de la neige, là? La dernière fois qu'on s'est parlé, lundi passé, il y a eu une tempête finalement. Là, je disais le matin qu'il y avait un petit brin de neige. Finalement, ça a tourné en la plus grosse tempête de l'hiver. Wow. Et aujourd'hui, c'est tout fondu, donc il fait quand même beau. Il faisait 18 hier. Donc. Hein? Dur, ta vie. C'est chacun notre tour. Là. La dernière fois qu'on s'est parlé, il faisait genre 35 au Québec. Là. C'est sûr qu'il y avait de la neige ce matin. Là. Ouais, ben écoute, c'est encore l'hiver. Hein. Et voilà. Premier jour de la deuxième partie de l'hiver. Donc, François, aujourd'hui tu nous présentes... Pas François, Kiwan. François. Voyons. Allô. Salut, Kiwan. Tu nous présentes trois pièces d'artistes différents. Oui, c'est ça. Trois artistes canadiens, comme à l'habitude. Je vais vous parler premièrement de Great Lake Swimmers, qui est un type de musique qui n'est pas mon style préféré, honnêtement. Mais c'est quand même un album qui était très attendu. Great Lake Swimmers sort un album, en fait, mardi prochain, le 3 avril. C'est leur cinquième album studio. Ça fait près de 10 ans que le groupe existe. Et ça, c'est un artiste qui a un groupe qui a quand même eu assez de succès dans le Canada dans les dernières années, entre autres avec leur dernier album, Lost Channels. Et une des raisons pour laquelle, en fait, j'ai choisi finalement de vous en parler, c'est que j'ai vu que l'album Lost Channels avait été sur les palmarès C'est quoi en 2009. Donc, oui. Je me dis que c'était pertinent. Et avec cet album-là, il y avait entre autres, il s'était rendu sur la liste courte des prix Polaris en 2009 et aux Junos aussi. Et la raison pour laquelle c'est un style que j'aime un petit peu moins, c'est que c'est un groupe qui est très folk, et j'aime la musique folk, mais vous allez voir, il y a des arrangements qui sont très, très country. Ça n'en prendrait pas gros là, pour qu'on puisse qualifier ce groupe-là de country. C'est vraiment, entre autres, les arrangements de violon. Vous changez les violons, là, la façon d'arranger les violons, puis ça peut prendre une autre tournure complètement. Mais ça donne un son, finalement, qui est assez folk, country, pop. Mais quand même, bon, The Great Lake Swimmers, je peux pas vraiment passer à côté parce que c'est quand même un album qui était assez attendu. Et en plus, l'album, pour les fans de Great Lake Swimmers, l'album est en streaming présentement sur spin.com, je crois, mais de toute façon, le lien est sur la page Facebook de Great Lake Swimmers. Vous pouvez écouter tout l'album complet en streaming. C'est cool, ça. Oui, ben oui, tant mieux qu'ils font faire ça. Oui, il y a de plus en plus de groupes qui font ça, puis même, c'est avant même la date de sortie d'album. Donc, avant même de pouvoir l'acheter, tu peux l'écouter au complet. Ça donne une bonne idée de sur l'album. Excellent. Tu parlais que la musique tire un petit peu vers le western. Est-ce que c'est difficile de vivre en Alberta avec toutes les stations qui doivent jouer du western? J'imagine qu'il y en a beaucoup. De jouer du western. Country, oui, western. Beaucoup. En tout cas, la différence dans ma tête est difficile à faire. Là. Ouais, moi aussi, je t'avoue, j'ai un peu de misère. Il y en a un qui est plus mélancolique, l'autre qui est plus party. Là, j'ai toujours de la misère à les distinguer. Mais c'est soit country ou sinon hard rock. Là, un peu à la Choix FM, je dirais. Okay. Nickelback. Ça, c'est country. Exactement. Rock un peu. Quasiment Nickelback, c'est comme un mélange des deux. Mais c'est bon. Ouais, je sais pas. En plus, Nickelback, c'est presque un groupe local. Là. Ils viennent d'un village qui est à peu près à 45 minutes là, de Medicine Hat. Oh boy, ouais. Tu commences à avoir un sentiment d'appartenance envers Nickelback. Ouais, c'est ça. Là depuis longtemps. Je commence à avoir la même coupe de cheveux que le chanteur. Ah, cool. Ça doit bien le faire. On continue avec Brave Irene. Oui, Brave Irene, un groupe de Toronto qui n'ont pas sorti rien récemment. En fait, leur premier EP date de 2000. l'été 2011. Non, en fait, mars 2011, donc ça fait un an environ là, que leur EP est sorti. Brave Irene, c'est un groupe rock garage, mi-rétro, mi-planant, je dirais. Et c'est un groupe de filles, donc c'est assez facile hein, de toujours comparer des groupes de filles ensemble. On dirait c'est parce qu'il n'y en a pas tant qu'on a tendance à toujours les comparer puis qu'on a toujours un peu les mêmes références. Mais je vous dirais qu'il y a quand même des ressemblances à faire avec Pony Up, le groupe de Montréal. Et entre autres au niveau de l'esprit aussi, parce que c'est un groupe qui se prend pas trop au sérieux, entre autres en spectacle. Là, c'est un peu loufoque en spectacle, donc c'est pour ça que ça me faisait penser un peu à Pony Up. Et c'est ça, c'est un son assez, assez garage pour ce groupe de Vancouver, Brave Irene. Parfait. Il nous en reste... Tyranno Horse, tantôt on riait un petit peu du nom, là, on trouve ça spécial. Tyranno Horse, là, comme un tyrannosaure, mais c'est un cheval. Oui, c'est ça. Puis déjà, le nom du groupe est très drôle. Ben, c'est très drôle. C'est quand même spécial, Tyranno Horse. Mais il faut vraiment entendre le nom de leur premier album. Leur premier album complet qui est sorti en 2011, l'été dernier. Vous allez voir, c'est un groupe quand même assez loufoque. L'album s'appelle Ghost Wolf Mother Hawk Prairie Unicorn Lion Lining. C'est le nom de l'album. Donc, je crois que c'est un groupe qui se prend pas trop au sérieux. Et je vais vous avouer, c'est mon préféré là, dans les trois là, au niveau du son. Au niveau de l'esprit aussi. C'est un très bon groupe. C'est une belle découverte que j'ai faite cette semaine. C'est un groupe de Vancouver aussi. Donc, ils avaient sorti un EP en 2010 et leur album complet l'année dernière en 2011. Et vous allez voir la vidéo que je veux... en fait, la pièce que je vous présentais, la vidéo est vraiment très drôle. Je vais le poster d'ailleurs sur la page Facebook d'Assemblage Requis parce que je le trouve vraiment très drôle. Si vous êtes des fans de planking, je ne sais pas si c'est encore très, très à la mode de faire du planking. Je ne sais pas si ça l'a déjà été, en fait. Oh, ouais, un peu trop. Ouais, OK, bon. Donc, vous allez voir... la vidéo est principalement basée sur cette... On va mettre en contexte nos auditeurs qui connaissent pas le planking, c'est quand tu te mets entre deux affaires avec les bouts de tes pieds sur une surface et la tête sur une autre surface. C'est genre que que tu t'es à l'horizontale entre deux affaires, mettons. Si on... Oui, ou le contraire. Tu peux aussi avoir les pieds et la tête dans le vide et t'appuyer le milieu du corps. C'est ça, voilà. Donc voilà, je l'aime bien, la vidéo est très drôle. Puis ouais, vraiment un très bon son. C'est un peu électro-pop-rock, je dirais, comme son. Parfait. Et comme c'est ton préféré, on va terminer avec ça. Tyranno Horse. Dans le milieu Brave Irene, on va débuter avec Great Lake Swimmers et New World Everywhere. Merci beaucoup, Kiwan. Merci, Kiwan. Merci à vous. Très bonne semaine à toi. Bonne semaine à vous. Et case normale lundi prochain? Oui. Parfait. Bye. Bye bye. OK, bye. There's a fire in the static, whisper in the dark, colors burning brighter, hunger for a spark, shadow thrown from light unknown, calling on the hearts to challenge the alive and summon the asleep. And the sun sinks over the big smoke. Shuddering lake. There's a new wild feeling dancing in the air. There's a new wild everywhere. There's a new wild feeling dancing in the air. There's a new wild everywhere. Rocks jump and jitter and push surface roots. Shakes, something switches on, running with abandon, rushing out and gone. And the sun sinks over the big smoke, and the sky explodes on the shuddering lake. There's a new wild feeling dancing in the air. There's a new in the air. There's Listen. C'est vraiment très, très, très bon. Très bon. Bravo. Tyrann a Horse avec la pièce Keep It Together. C'était précédé de Brave Irene avec Tangled Line et de Great Lake Swimmers avec New World Everywhere. Je vous rappelle que la vidéo de Tyrann a Horse pour Keep It Together avec le planking, là, l'idée de se mettre à plat ventre sur quelque chose entre... En tout cas, entre amis. C'est sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Et c'était dans la chronique Kiwan en cavale, le Kiwan de liberté en direct de l'Alberta. J'avais pas vu ça, moi, le planking. Non, pour vrai? Non. Passer par-dessus une grosse mode. Puis, OK, je comprends pas trop, mais... Ah, il y en a plein d'autres comme ça, des incompréhensibles. C'est... Je vous pas le trip, là, mais... Bref. Ah, François, ouvre ta tête, ouvre ta tête. Ah, j'ai essayé, mais ça veut pas rentrer. Il y a des dizaines de blogs sur cette affaire-là, c'est quelque chose. Ah, ouais. Planking, ouais. Il y a le T-Bowing aussi, faire la même position que Tim Tebow. Ouais, il y ouais. a un paquet d'autres. Ça, à la limite, je peux comprendre. Mais... Pourquoi tu peux comprendre plus le T-Bowing que le planking? Ben, au moins, tu sais, c'est comme la représentation de Dieu, tu penses. Ah, ouais. Pas si je sais pas, mais de coucher comme ça, partant, en tout cas. Mais des photos sur Internet, des modes de différentes photos, de façon de prendre des photos, c'est toujours bien intéressant. Allez voir ça. Bref, on prend une petite pause et puis on revient avec la chronique Scénix tantôt. Chose geek, là. Chiptune, là. Chiptune, non. Vous en magasin. Ah, ben là, un peu. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Cifou, vous écoutez Assemblage Requis et vous aimez ça. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante à Assemblage Requis, il est 7h40 en ce mercredi matin. Oui, avec la neige en plus ce matin. Ben, mot t'as dit, non? Prenez votre mal en patience, par exemple. Mais ça va fondre. Ça risque de fondre aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais. Hey, parlant de prendre ton mal en patience. Oui. C'est la chronique CNX. CNX, la chronique de la bibliothèque. Dash.com. Dernière chronique CNX de la semaine en ce mercredi matin. Donc, on va résumer les nouvelles depuis hier. Commençons en avancée technologique, mais je suis pas certain que c'est une si bonne idée que ça. C'est une puce pour lutter contre l'école buissonnière au Brésil. Ah ouais? Oui. Environ 20 000 jeunes élèves seront munis d'une puce dans leur uniforme intelligent dans le but de réduire le taux d'absentéisme dans les classes de 25 écoles au nord-est du Brésil. Il s'agit d'un investissement qui a coûté 700 000 $ au gouvernement municipal. Bizarre. Je cite, « Nous avons remarqué que les parents déposaient les enfants à l'école mais n'attendaient pas de voir s'ils rentraient dans l'immeuble puisqu'ils devaient eux-mêmes se rendre au travail. » Ils étaient toujours surpris lorsqu'on leur annonçait le nombre d'absences de leurs enfants. C'est le genre de surprise que ces puces veulent éliminer. Logées sous les écussons ou sur les manches des uniformes, les puces envoient un SMS aux parents lorsque leur enfant traverse les portes de l'école, munis de détecteurs. Si un certain retard s'accumule et que l'uniforme en question n'est pas dans l'édifice scolaire, un texto est envoyé aux parents pour les aviser de l'absence ou du retard de l'élève. Un texto? Ouais, un texto. Ouais. On affirme que d'ici 2013, 43 000 enfants âgés de 4 à 14 ans devront porter ces uniformes intelligents dans les écoles publiques de la ville. Les uniformes peuvent être lavés et repassés sans endommager les puces. Quand même, ça, je trouve ça vraiment bien parce que c'est certain que quelqu'un va oublier d'enlever la puce s'il est enlevable. De toute façon, ouais. Pas qu'elle soit enlevable, l'enfant va l'enlever. Non. Hey, tu sais, t'arrives proche de l'école, tu lances ton écusson dans l'école. Puis finalement, t'es rentré à l'école. Je sais pas, ça va venir au Québec peut-être dans quelques années, on sait pas. On sait pas. Peut-être. Est-ce qu'il y a un grand problème d'absentéisme aux écoles au Québec? Je sais pas. C'est quoi? Un avion en papier de 45 pieds de longueur avec des ailes de 24 pieds et pesant 800 livres a été projeté dans les airs pendant quelques secondes le 21 mars dernier. Un hélicoptère a été nécessaire afin de libérer le projectile à 2603 pieds dans les airs. Celui-ci a volé pendant une dizaine de secondes pour atteindre presque 160 km à l'heure. L'avion a été construit dans le cadre du projet The Great Paper Airplane Project du Pima Air and Space Museum à Tucson en Arizona, dont le but est d'intéresser les jeunes aux métiers des sciences et d'ingénierie. Un modèle beaucoup plus petit avait été construit au préalable par Arturo Valdenegro, 12 ans. Le jeune garçon s'est amusé à fabriquer différents modèles d'avions en papier jusqu'à réussir un vol de 75 pieds, ce qui a battu tous les autres concurrents d'un concours qui a eu lieu en janvier. Valdenegro s'est donc rendu à Los Angeles pour travailler avec Art Thompson, qui a déjà travaillé avec la NASA et l'armée de l'air des États-Unis. L'équipe a utilisé une forme de carton ondulé pour construire le modèle géant. Vous pouvez voir la vidéo du décollage sur assemblagerequis.com. J'adore ça, un avion géant comme ça. Est-ce qu'on dit un avion géant, je pense. Les véhicules sont masculins, si je me rappelle bien de la règle. Oh ouais, pour vrai? C'est comme ça. Ouais. Allons-y avec des nouvelles d'Apple maintenant. Siri, qui est utilisée par la majorité des utilisateurs de l'iPhone 4S. Je vais te le rappeler comme à chaque fois, parce que chaque fois, tu me demandes, c'est quoi déjà Siri? Ouais. Voilà, déjà Siri, ouais. C'est le petit logiciel à l'intérieur de l'iPhone 4S qui te permet de, par exemple, écrire des messages textes ou trouver des restaurants, des trucs comme ça. Donc, tu peux lui parler. C'est un assistant numérique personnel. L'application d'assistant personnel donc pour iOS Siri est devenue très populaire auprès des utilisateurs de l'iPhone 4S, selon une nouvelle étude. Selon l'enquête menée par Parks Associates et diffusée sur le Wall Street Journal, 87% des propriétaires du nouveau téléphone intelligent de Apple utilisent Siri au moins une fois par mois. Oh, 87%. Moi, ça me surprend. Ouais, moi aussi. C'est quelque chose que j'aurais utilisé le premier mois, puis après ça, je l'aurais plus jamais utilisé. Ça doit pas bien fonctionner. Ah, je trouve que ça fonctionne très bien, François. C'est un produit Apple. Ah, je sais pas, j'ai de la misère avec ça. Ouais. Ouais, faudrait l'essayer. Il est bon de noter que ce ne sont pas toutes les fonctions qui sont utilisées. Les gens préfèrent en effet faire des appels téléphoniques et envoyer des messages textes. En fait, Siri est comme un miroir de ce que les usagers font avec leur cellulaire. Il est clair que les appels et les mini-messages, donc les messages textes, sont les activités les plus populaires. J'ai jamais entendu l'expression mini-message de ma vie. Moi non plus. Jamais. Mais Siri peut faire beaucoup plus, comme jouer de la musique ou encore planifier un rendez-vous. Toutefois, ces fonctions sont souvent laissées à l'abandon par les consommateurs. Tu vois, là, ça me surprend pas du tout. 32% et 35% des sondés ont affirmé ne les avoir jamais utilisés. Alors, ce qui a trait à la fonction permettant d'envoyer des courriels, les avis sont plutôt partagés. 30% des gens ont dit n'avoir jamais eu recours à cette fonction, alors que 26% ont révélé l'utiliser tous les jours ou presque. Une faible majorité de gens sont satisfaits par le service d'Apple, donc 55% des personnes ont indiqué être satisfaites, alors qu'elles sont à 9% à être insatisfaites, où sont passés tous les autres pourcents. C'est ça. Ils sont disparus dans la brume. Mais non, t'as l'air d'un gars particulièrement Thomas, François, en te regardant de même. Ça doit pas marcher. Non, mais je sais pas. En fait, tout ce qui est voix, tu sais, que tu parles... Analyse la voix, j'avoue. Ouais, j'ai de la misère avec ça. Surtout, exemple, t'es en voiture, t'écoutes la radio, ouais. Justement... Mais j'imagine qu'il y a un système pour enlever les bruits de fond, là. Je sais pas, mais je suis vraiment perplexe. Ouais. Tant que je l'aurais pas essayé, on dirait que... Mais tu vois, là où je suis d'accord avec toi à 100%, c'est au Québec. Au Québec, je crois vraiment pas que Siri au Québec marcherait. Ouais, c'est ça, exactement. Hey, Siri, de la Siri, tu mets ta poutine, hot dog. Non, mais c'est ça, ça peut pas marcher au Québec. Là. On s'entend qu'on n'est pas. Il y a personne, en tout cas, il y a pas beaucoup. Il y a une petite portion de gens qui parlent bien au Québec. Désolé de vous dire ça, mais c'est de même. On parle de Facebook maintenant. Les séparations plus fréquentes durant l'été, François. Oh ouais? Comme dans la vraie vie, finalement, hein. J'ai entendu ça dans le dîner de con hier. Ah ben, Colin, on n'en parlera pas, non, c'est pas vrai. On va en parler quand même. L'équipe Facebook Data a tenté de connaître dîner de con, aussi par la technologie de ces temps-ci, et je l'apprécie particulièrement, j'adore quand il parle de technologie. L'équipe Facebook Data a tenté de connaître, grâce aux données américaines des années 2010 et 2011, les moments de l'année où les utilisateurs du réseau modifient le plus leur situation amoureuse. Jackson Gorham et Andrew T. Floor en sont venus à la conclusion que les journées de dimanche, lundi et mardi sont celles où les utilisateurs de Facebook indiquent le plus être en couple. Il y a de 5 à 18% plus d'annonces de nouvelles relations amoureuses le lundi. Le vendredi et le samedi sont les jours où les utilisateurs de Facebook annoncent le plus souvent leur séparation, et cette proportion-là augmente si les utilisateurs sont plus âgés. Facebook s'est aussi intéressé aux mois où les séparations surviennent le plus souvent. Ce sont les mois de mai, juin, juillet et août qui sont les mois les plus susceptibles d'être dangereux pour les couples. Hein, on sait, avec le printemps et l'été, dans la vraie vie aussi, c'est comme ça. C'est la période où les gens sont tellement excités par la venue de nouvelles personnes peu habillées dans les rues que... Tu casses avec ta personne et puis tu t'en vas avec un autre. Hey. Et donc, allez voir le reste de l'article pour plus de données, plus d'informations, plein d'autres chiffres que je mentionnerai pas sur assemblagerequis.com. Toujours dans le domaine de Facebook, tu me diras si t'en as entendu parler. Lorsque son entreprise s'est installée dans un nouveau campus, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a invité les employés à le décorer pour se l'approprier. Certains ont répondu à l'appel avec enthousiasme et un gros code QR géant orne maintenant le toit du campus. Plutôt que de peindre les murs ou d'accrocher des affiches, un groupe a entrepris d'afficher un code QR. Ça, c'est les gros codes style code-barre, mais en carré, que tu peux scanner avec un téléphone cellulaire. Sur le toit de l'édifice du campus situé à Menlo Park. Le code est d'une largeur de 42 pieds. Il a été peint sur le toit de l'édifice par les employés du réseau social. C'est énorme, quand même. Mais hein, une fois scanné, ça renvoie au site fbco.de. Facebook, j'imagine, company.de, qui promet des informations sous peu. Pour l'instant, il n'y en a pas. L'équipe a choisi ce nom de domaine-là après avoir réalisé que plus le nom de domaine est court, donc moins il y a de caractères, moins le code QR est complexe, plus c'est beau de haut, plus c'est facile à scanner. Le code est maintenant visible de l'espace. Et l'équipe de Facebook l'a peint sur un immeuble jugé stratégique en raison de la quantité d'avions qui passent par-dessus. Donc, t'es en avion, c'est en voyage, tu scannes ça, puis ça t'amène sur le site de Facebook que t'aurais juste pu taper toi-même. T'sais. Ouais. T'sais, c'est à peu près ça. Oh boy. Toujours au sujet de Facebook, hein, grosse journée de Facebook. Une femme s'est enlevée la vie, cette fois-ci, c'est un petit peu plus triste, hein, à Taïwan, en inhalant des fumées toxiques tout en clavardant avec des amis sur Facebook sans qu'aucun d'entre eux n'alerte les autorités. Claire Lynn s'est tuée le jour de son 31e anniversaire, le 18 mars dernier, et les membres de sa famille qui ont rapporté son suicide ignoraient l'existence des conversations Facebook en question. La dernière activité de Lynn sur Facebook indique qu'elle clavardait avec 9 amis, les avertissant de son asphyxie graduelle. Sur une photo envoyée avec son téléphone mobile, on aperçoit un barbecue au charbon brûlant aux côtés de deux animaux en peluche. Une autre photo montre la chambre remplie de fumée. Un ami identifié comme étant Chung Sin a écrit à Lynn de rester calme, d'ouvrir la fenêtre et d'éteindre le feu. Lynn a répondu « Les émanations sont suffocantes, elles remplissent mes yeux de larmes. Cesse de m'écrire. » Quelqu'un des amis, elle disait d'arrêter d'y écrire, c'est parce que c'était voulu, tu sais. Quelques-uns des amis Facebook ont tenté de l'arrêter. Ils l'ont trouvé eux-mêmes, mais personne n'a appelé la police. Les messages de Lynn sur Facebook indiquent qu'elle était triste parce que son copain l'ignorait et qu'il n'était pas rentré à la maison pour être avec elle le jour de son anniversaire. Son copain a retrouvé le corps le lendemain matin et a alerté sa famille. Extrêmement triste tout ça. Eh ben. Parlons de jeux vidéo maintenant. Revenons sur une note un petit peu plus sympathique. De plus en plus de femmes aux manettes des jeux vidéo, François. De plus en plus de femmes aux manettes. De plus en plus de femmes qui jouent jeux vidéo. Oui. François, si seulement l'article voulait apparaître, le voilà. Envoler les stéréotypes sexistes, nous demande-t-on. Eh bien, elles ne sont peut-être pas encore aussi nombreuses que les hommes à envahir l'univers des jeux vidéo, mais les femmes accrochent de plus en plus et ont tendance à rattraper les hommes. Une récente étude menée par Kantar Media TGI le confirme. En France, 33% des joueurs sont des femmes, soulignent ses auteurs qui précisent qu'il s'agit d'une progression de 44% en 3 ans. D'après le responsable marketing et développement TGI, en fait, je crois que c'est une femme, elle s'appelle Muriel. Cette évolution est due au fait que les constructeurs aient repensé un certain nombre de codes de l'univers des jeux vidéo afin de séduire la cible féminine. Ils proposent désormais aux femmes une multitude de jeux liés à leur centre d'intérêt intellectuel et sociaux, ainsi que des équipements plus ludiques et interactifs. Évidemment, faut dire que là-dedans, il y a sûrement une grande portion de femmes qui jouent à des jeux le casual gaming, là, un petit peu genre Bejeweled ou Zuma ou Farmville. Donc, jeux vidéo, là, c'est au sens large, exactement. Beaucoup de studios se sont mis en tête de conquérir ce nouveau public qui serait les femmes, mais ça a généralement donné des choses assez pathétiques à base de roses et de princesses et des jeux où tu dois te parader sur des trucs comme ça, les jeux qu'il y a sur la Nintendo DS, entre autres, pour les jeunes filles, là, de flatter un chat, puis porter se faire des ongles, puis toujours très, très classe. Mais, par contre, de l'autre côté, il y a beaucoup de jeux maintenant, même des jeux qui s'adressent à tous les publics, des jeux même que plusieurs, car majorité, peut-être les hommes, aiment, des jeux avec des vedettes, des héroïnes féminines, comme les Tomb Raider, les Mirror's Edge, il y en a un paquet, des jeux comme ça, des Shantae, il y en a plein, je pourrais en nommer pendant des mois. Et c'est bien, tant mieux. Mais c'est ça, il faut que les filles commencent à jouer à des jeux vidéo, pas seulement être le personnage vedette d'un jeu vidéo. Ouais. Ouais. Sony retire deux jeux PSP du Sony Entertainment Network pour éviter le hack de la PlayStation Vita. Nouvelle assez étrange, Sony qui a supprimé deux jeux PSP. Donc ça, c'est des jeux pour l'ancienne console portable de Sony, mais qui étaient pour la nouvelle console de Sony, la Vita. C'était disponible en téléchargement sur le Sony Entertainment Network, qui est le jeu en ligne. Après y avoir décelé des failles de sécurité permettant d'exécuter du code non désiré, l'objectif est d'empêcher donc des hackers de s'en servir pour contourner les protections de la PS Vita. Les jeux Everybody's Tennis et MotorStorm Arctic Rift ne sont ainsi plus disponibles en raison de failles de sécurité détectées par Sony. Les hackers ont d'ores et déjà confirmé que les dites failles permettaient de réaliser un exploit pour contourner les protections logicielles de la Vita afin d'y exécuter du code non signé et lancer des programmes non autorisés. Par exemple, j'imagine que si les gens travaillaient un petit peu plus dessus, on aurait pu avoir un émulateur de Super Nintendo pour jouer à des jeux Super Nintendo sur ta Vita, comme on pouvait le faire sur la PSP, l'ancien modèle. Un outil circule depuis plusieurs jours sur la toile permettant l'exécution d'applications maison sur la PS Vita, passée en mode PSP. Donc ça, c'est quand la Vita émule une PSP pour faire comme si elle était une PSP. La situation n'est que temporaire pour l'instant, donc Sony remettra les titres en vente après les avoir patchés. Mais la firme, pour le moment, n'a fait aucune communication officielle en ce sens. On revient sur la nouvelle, c'est notre dernière nouvelle pour aujourd'hui d'ailleurs. Les petits gâteaux qui sont offerts aux créateurs de Mass Effect 3. On se rappelle tous de l'histoire dont on parle depuis des semaines. Ouais, sur la fin était pas correct. Là. Les gens se sentent bernés par la fin du jeu. Hein? Ils n'ont pas le droit de choisir leur propre fin, les créateurs d'un jeu. C'est comme si un film sortait avec une fin que t'aimes pas, puis là tu devais écrire une pétition à la maison qui a fait le film, à la maison de cinéma. Non, ça n'a pas rapport. La compagnie qui a fait le film, ça n'a pas rapport. Y a-t-il un meilleur moyen pour manifester son mécontentement que d'envoyer des sucreries à la source de cette frustration? Eh bien, telle est la mission de Sam, alias Logan Key, un étudiant frustré par la fin controversée du jeu vidéo Mass Effect 3. Les créateurs du jeu avaient promis des fins différentes et originales selon les choix des joueurs pendant la campagne. Tu vois, c'est ça qui vient un petit peu me faire tempérer un peu mes propos de tout à l'heure. C'est, je viens de comprendre en lisant, en me rappelant un autre article que j'ai lu, qui lui est pas mal plus détaillé que celui que je vais vous lire là. Mais il était supposé avoir une fin différente dépendant de quel... De qu'est-ce que tu fais, là, où tu vas. Et puis... C'est ça. En fait, je pense que ça le raconte un petit peu. On va y aller. Les fins sont toutes passablement identiques, peu importe les décisions prises dans Mass Effect 3. Une homogénéité narrative qui a frustré la communauté web qui cherche des façons originales d'exprimer sa déception. Sur un forum de discussion, Sam a tenté de récolter 1 500 $ pour envoyer 3 différents types de petits gâteaux à BioWare, qui est la compagnie derrière Mass Effect 3. Ces 402 petits gâteaux confectionnés par la pâtisserie Foss auront tous la même saveur, même s'ils ont des couleurs différentes. Ah, tu vois. C'est parfait, ça. 402 gâteaux de couleurs différentes avec le même goût. J'adore ça. Sa récolte fut tout un succès. En une heure, il a amassé suffisamment d'argent pour passer sa commande à la pâtisserie. Les employés de BioWare risquent donc de recevoir plusieurs centaines de petits gâteaux à leur bureau. Et ils les goûteront tous exactement pareil, peu importe ceux qu'ils choisissent. Ah, c'est cute! Oh, ouais, c'est pas pire. Ça, c'est une très bonne idée. Ouais. Ben, j'avoue que si les fins sont toutes relativement pareilles, mais que juste un petit détail qui change, ça vaut pas vraiment la peine de faire une fin différente. Tant qu'à ça, ça. Non, c'est vrai. Tant qu'à ça. Non, je commence à comprendre leur point de vue. Mais en même temps, c'est pas à eux de décider. Non. Mon point de vue reste que, je veux dire, la compagnie décide ce qu'elle fait, c'est pas ton problème. Donc, tour du net maintenant, deuxième étape de Cénix pour aujourd'hui. On commence avec une campagne pour l'Internet, en fait, contre les dangers d'Internet. C'est une compagnie de la Roumanie qui a parti ça. Vous pouvez la retrouver sur assemblagerequis.com. Dans le fond, ce qu'on prend, c'est qu'on prend des scènes connues de la pornographie Internet. Par exemple, tu sais, là, je mentionne le mot ou l'expression « two girls, one cup ». Si vous avez pas vu ça, faites vos recherches. Tu me parles de ça un matin. Là. J'en parle pas, en fait. Mais donc, on voit, c'est des dessins d'enfants. Donc, on a des enfants, j'ai vraiment dit des enfants. Donc, on demande à des enfants de dessiner ces scènes-là. En fait, c'est sûrement pas des vrais dessins de vrais enfants. Mais ce qu'on voit sur la pub, c'est un dessin d'enfant de cette scène-là et de d'autres scènes pornographiques d'Internet. Et on dit dans le coin, l'Internet est un endroit dangereux. Ne laissez pas vos enfants aller en ligne sans supervision. C'est signé beneva.ro. Donc, voilà, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Il y a un nouveau Tumblr. Tu sais, les Tumblr sont toujours très à la mode pour parler d'une seule chose à la fois. Par exemple, des photos de vedettes avec du maquillage de différentes façons, mettons. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ouais, j'avais vu. Parlé. Ouais, exact. Celui-là, c'est un Tumblr qui montre des vidéos de jeunes filles en train de pleurer sur YouTube. Tu sais, parce que sur YouTube, il y a bien des filles qui vont poster des c'est comme un genre de vlog, là, tu sais, mais sans Patrick Chaux, ça. Ça s'appelle? Dominique Carpin. Ouais, Dominique Carpin. C'est ça. Blague ratée. Donc, on prend les vidéos des bouts de ces filles-là en train de pleurer, puis on met ça sur le Tumblr. Donc, allez voir ça. Je ne peux même pas jouer d'extrait parce que ça me taperait trop sénat. Le futur prédit par des dessins animés des années 90. On parle entre autres des Simpsons, un épisode de 1995 qui nous montrait le picture phone, qui est une façon évidemment de parler à. Lisa parlait à sa mère sur un téléphone avec une roulette. Un téléphone à roulette avec une télé. C'est très joli. Il y avait les classes d'école primaire qui allaient être enseignées par un professeur dans une télé gigantesque. Et les enfants allaient tous être empilés en étage pour avoir des centaines d'enfants dans les classes. C'est proche de la réalité, bientôt. T'avais dans un bar où Bart Simpson jouait au dard virtuel. Puis après ça, il jouait au dard virtuel, où dans sa virtualité, il se voyait en train de jouer au dard virtuel. Tu te rappelles de ce gag-là dans les Simpsons, non? Non, je l'ai pas vu, je pense. Il y en a plein d'autres. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les photos. Il y a aussi, parlant... Ah, je ne l'ai pas ouvert et je pense que je vais devoir me corriger et l'ouvrir pour vous parce que ça mérite d'être vu. J'imagine qu'on va pouvoir s'y rendre pendant que je parle d'autres choses. On va y aller avec quelques nouveautés en magasin cette semaine, François. Allons-y. Avant de faire ça, je reviendrai. Il ne doit pas avoir beaucoup de jeux cette semaine. C'est quoi, tu te trompes, François? Il y en a quand même une couple. On parle sur PC de YS de Hoth in Fel'Ghana, qui est un jeu d'action et de rôle. Waveform, un jeu d'action. Foul Space, un jeu d'aventure. Le shooter Mutant Storm Reloaded, Yesterday, un jeu d'aventure, et pas Yesterday des Beatles, hein? Ça pourrait être ça. Ouais. Adam's Venture Episode 1, The Search for the Lost Garden, c'est un jeu d'action, et Total War Shogun 2, un jeu historique de stratégie. Sur Xbox 360, Armored Core 5, un jeu de simulation science-fiction. Kinect Rush Disney Pixar Adventure, donc un jeu Disney Pixar d'action. Ninja Gaiden 3, un plateforme 3D, qui est aussi sur PS3. Resident Evil Operation Raccoon City, oui, un nouveau Resident Evil sur la PS3 et la Xbox, c'est un jeu d'horreur. Silent Hill HD Collection, qui regroupe tous les jeux de Silent Hill, c'est une série de jeux d'horreur aussi sur PlayStation 3. Sur Xbox Live Arcade, Rayman 3 version HD. Version HD. J'ai hâte de ça. C'est important. Non, mais c'est, tu te rappelles, c'était un jeu sur PlayStation 2, je crois. C'était super bon, jeu. Rayman 3. Ouais, ben ça, ça avait été populaire. Très, très. C'est un genre de jeu de plateforme. Cinemora Grasshopper, un shooter sur PlayStation 3, Armored Core 5, un jeu de simulation de science-fiction, pardon. J'en avais parlé tantôt, il était sur PC aussi. Sur le Entertainment Network, on retrouve Warriors Orochi 3, un beat'em up. Sur la Vita, la PS Vita, Sumioni Demon Hearts, un jeu de rôle. Sur Nintendo WiiWare, donc en ligne seulement, c'est Carmen Sandiego Adventures in Math, The Island of Diamonds. C'est long comme nom, hein? Ouais. Carmen Sandiego, ouais, j'y avais été quand ça jouait à Télé-Québec. Hey, est-ce que t'avais joué ou t'avais été dans le public? Ouais, dans le public. Dans le public. Ouais. J'étais assez intelligent pour jouer. Ben là. Nintendo 3DS maintenant, Let's Ride, Best of Breed, un jeu de simulation virtuelle de chevaux, je crois. Paws and Claws, Pampered Pet Resort, un autre simulateur, mais cette fois-ci, je crois que c'est d'animaux de compagnie. Kid Icarus Uprising, tout le monde l'attendait, celui-là, un jeu d'action-aventure, la suite d'un jeu qui est paru il y a tellement longtemps. Sur le eShop de la 3DS, Zombie Slayer Deox, un jeu d'action, et je saute sur les, par-dessus les jeux sur Nintendo DS, étant donné que c'est fini. Il y en avait pas mal. Il y en avait quand même plus que tu pensais. Hein. Donc voilà pour les nouveautés en magasin. Je voulais vous parler dans mon tour du net, si j'ai le temps, là, c'est comment regarder 130 épisodes des Simpsons en même temps. Si l'extra marche pas, c'est pas super grave. Mais c'est pour c'est super simple. Alors, je vais parler de regarder Itchy et Scratchy de suite. Tu te rappelles? Ouais, exact. C'était 45 minutes de tous les épisodes d'Itchy et Scratchy. Cette fois-ci, c'est 130 épisodes des Simpsons simultanément. Et normalement, si tout se passe comme désiré, ça devrait partir. Jouer. Ah, OK. Il n'y a pas de son, apparemment. Hein, c'est... Pas de son. Mais c'est ça. Vous le voyez à l'écran, vous en studio, et ceux qui ont la technologie HD. À la radio aussi. Voilà. Allez voir sur assemblagehockey.com pour le lien en chiptune avec une pièce de DJ Cutman. C'est Voltage Nice Sprite Chiptune Remix. Je te l'explique tantôt, François. Wow. Ouais, c'est ça. Et on revient après. C'est ça? C'est fou. C'est NX. C'est bon? C'est bon. Ben, on sait pas si c'est bon. Et que t'es rabat-joie! La pièce Voltage de DJ Cotman est là, je le révèle après, juste pour savoir ce que François en pensait. Je suis sûr que si je l'avais dit à François avant la pièce, il aurait aimé la pièce. C'est un remix d'une pièce de Skrillex. Ah, mais non, ben, non, je sais pas, non. Pas vraiment? Non. Pas tant, mieux, tant qu'à ça, j'aime mieux écouter Skrillex. Bon. Mais c'est ça, le gars il disait, tu sais, beaucoup de gens achalent Skrillex ou parlent contre Skrillex depuis qu'il a gagné un Grammy, comme de quoi. Ah, il a gagné un Grammy, ouais, il a gagné un Grammy. Donc, tu sais, c'est que c'est poche, puis c'est n'importe quoi. Mais peut-être qu'il y a de bonnes mélodies que le gars DJ Cotman a dit, donc il a refait cette pièce-là avec de la mélodie chiptune et les voix de Skrillex. Mais ce qui est bon de Skrillex, c'est justement que ça rentre un peu dedans. Fait que toi, t'aimes le fait que Skrillex rentre dedans, mais t'aimes pas quand mon chiptune rentre dedans, puis qu'il est plus. Mais ça rentre pas dedans, ça, là. Mais non, ça. Non, non. Non, hein. Non, non. Question de goût, hein. Non, non. Non, non, non. C'est juste pas, c'est mauvais, tout le monde a eu ça. Mathieu, t'es un cave, un rejet, pis t'es jamais du bon bord. Pis... Bon. Ben là, pas tant que ça. Là. Juste un petit peu avant ça. Mais non. Hey, c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On se retrouve tantôt avec notre amie Anne-Julie Durocher qui s'en vient pour nous parler des activités de l'AGE qui s'en viennent. Salut Anne-Julie. Bonjour. Ouais, avant-goût un peu de ce que tu vas nous discuter tantôt. On va faire un retour sur la grève. Puis on va parler des activités qui s'en viennent au cours du mois d'avril. C'est une cabane à sucre là-dedans? Oui, une cabane à sucre là-dedans. Miam, miam, miam. Hey, restez là, cet assemblage requis jusqu'à 9h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 28 mars 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plon. Oh que oui. On est ensemble jusqu'à 9h. Il nous reste encore une cinquantaine de minutes environ. Exactement. Commence-t-on la deuxième heure. Salut, de temps en temps. Donc, on reçoit Anne-Julie Durocher à l'instant et je pense que je vais devoir faire mes vocalises. AGEQTRE, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTA parce que l'AGEQTA, ça n'a pas d'âge. Yo, pro. Oh, yo. Anne-Julie Durocher, bon matin. Ben, bon matin. Ça va? Mais ça oui. Va? Mais je suis comme en train de me dire, pauvre personne qui vient de se réveiller. Ouais. Puis qui s'est réveillée avec ça. Mais ça me semble que ça commence comme mal la journée, mais en tout cas, moi ça me met de bonne humeur. Il y avait le chiptune juste avant, fait que, imagine, hein. Ouais, en tout cas. Puis il y a de la neige aujourd'hui, fait que. Ouais. C'est on va leur souhaiter une bonne journée quand même. On va essayer, exactement. Quand même. Donc, Anne-Julie de l'AGEQTR, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Il y a plein de choses qui se passent. Hein? Ben oui, oui, on va faire un petit retour. Il y a plein de choses qui se sont passées ouais, aussi. C'est surtout ça. Mm-hmm. Mais oui, je vais faire un petit retour, mais je pense que vous en avez parlé quand même en masse de la grève au courant des derniers jours. C'est plus pour vous faire un état de la situation actuelle. Oui. Donc, comme vous le savez, il y a différentes associations départementales qui rentrent en grève. Oui, ça a déjà commencé, d'ailleurs. Bien, ça avait commencé avant que l'AGE tombe en grève le 14 mars. Il y avait AEQ, donc Études québécoises. Mm-hmm. Puis, les autres, c'est les pionniers, là, les premiers. Les premiers. Puis, Philosophie, par la suite, qui est rentrée en grève aussi. Puis ensuite, l'AGE est tombée en grève. Philo, quand tu parles de philo, là, c'est tout le monde, là, ceux qui font le bac, ceux qui font le certificat. C'est du bac au doctorat. OK, parfait. Parfait. Bac au doctorat, sont en grève. C'est quand même des gros morceaux. Là. C'est quand même... ça englobe quand même plusieurs personnes. Oui, oui, oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que là, depuis que l'AGE n'est plus en grève, il y a d'autres associations qui sont rentrées en grève. Dimanche, Sage-Femme est tombée en grève. Exactement. Donc, d'ailleurs, ils ont fait une vidéo hier. Ils se sont pratiqués juste devant mon bureau. Ouais, c'est à les remercier. C'est sympathique. Non, mais... c'était drôle. C'est une bonne idée. Oh, ouais, non, exactement. Exactement. C'est très bien fait. Le concept est bon. Sur l'accouchement, ils font une simulation d'accouchement. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Tout le monde crie en même temps. Ça. Ouais, non, ils ont des très bonnes idées. Oh, ouais, exactement. Ils sont très drôles. J'aime beaucoup leurs idées. Ils sont motivés. Ils veulent faire quelque chose. Ils sont motivés. Ils ont des chandails roses. Oui. Non, c'est ça. Ils participent vraiment à plein de choses. On les a vus beaucoup pendant la grève. Bon, c'est sûr, là, j'ai l'air de vanter sage-femme. Là. Ils sont très bonnes, mais il y a d'autres personnes alors, je pense que et d'autres bacs aussi qui sont très bons. Là. Je veux pas faire de favoritisme. Non, mais on parle des actions en fait qu'on voit. Moi, c'est parce que je les ai vus hier. Et puis, en fait, T'as mangé le placenta, je pense. Non, non, ils ont essayé, j'ai pas voulu. Ouais. Bon, en tout cas, peut-être un autre fois. OK. Hein? Mais il y a aussi Récréo hier, ouais, qui tombe en grève. Grosse nouvelle, ça aussi. Hein? Ben oui. Quand même, ils sont beaucoup. Et puis, en fait, c'est des gens qui sont impliqués aussi. Oui, oui. C'est des gens qui sont actifs sur le campus. Je pense que c'est 200 quelques étudiants. C'est quand même pas ça mal. Ça paraît, là. Oui, ben oui, tout à fait. Ça paraît. Mais ça, justement, par département, par association, est-ce que c'est légitime quand même? Ben oui, en fait, mais c'est sûr qu'il faut qu'ils prennent des arrangements avec leur département. Sinon, ils vont avoir des échecs facilement, non? Ben non, pas nécessairement. Là, mais j'imagine, s'il y a personne qui se pointe, c'est ça, ils peuvent pas mettre tout le monde en échec. C'est exactement ce que j'allais dire. Si, bon, l'association vote la grève, que personne se présente au cours, je veux dire, le professeur peut pas faire échouer l'ensemble de la classe. Il faut juste que le mandat de grève soit respecté par les étudiants. Par tout le monde, oui, c'est ça. Mais oui, parce que c'est fait de façon démocratique. Donc, c'est important que les étudiants, même s'ils sont contre dans une association qui vote la grève, vous devez respecter le mandat de grève qui a été voté et présenté à l'Assemblée générale. Et est-ce que c'est respecté à date? Ben, en tout cas, pour ce qui est de philo et études québécoises, oui, sage-femme aussi, récréo, on va le savoir aujourd'hui parce que c'est leur première journée. Parce que ça commence aujourd'hui, vraiment. C'est ça. Fait qu'on va voir aujourd'hui, mais on va leur espérer que tout se passe bien. Je veux dire, la semaine dernière, on a été 9 jours en grève. Tout s'est super bien déroulé. Donc, on va espérer que tout se passe toujours aussi bien, qu'il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas eu de débordement grave au courant de la grève. Mmh. Donc, on va juste souhaiter pour tout le monde que ça continue comme ça. Ouais. Et leurs moyens et leurs... Ils vont aller dans les classes faire... Ouais, c'est ça. Je connais pas les moyens qui vont être utilisés. Souvent, en tout cas, pour ce qui est des associations qui sont déjà en grève, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont poser des actions. Admettons, justement, sage-femme, bon, hier, qui ont fait une vidéo, études québécoises, qui sont à une des entrées du pavillon Ringuet, qui offrent du café, puis qui informent les gens sur qu'est-ce que la hausse, pourquoi la grève et tout ça. C'est plus des actions en général qu'ils vont poser plutôt que perturber des cours, parce que bon, si on va faire du bruit dans un corridor, on s'entend qu'il y a peut-être 5 autres cours dans le même corridor et qu'eux ne sont pas en grève. C'est ça. Ça pose un peu problème. Ouais, exact. Il peut y avoir des frictions. Mmh. Il n'y aura pas de barricade, il n'y aura pas de rue barrée, rien de ça. Non. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On verra bien. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir d'autres associations qui tombent en grève prochainement? Ben là, pour ce qui est des votes à venir, il y a communication sociale, psychologie, doctorat en psycho, psychoéducation puis histoire qui vont avoir des votes prochainement. Okay. Qui vont tenir. On sait qu'il y en a d'autres associations qui discutent aussi de le faire. Là, reste à savoir. Est-ce qu'on va s'approcher du 51% presque de... Mais c'est ça, exactement. S'il y a 50% plus 1 d'association... L'UQTR retourne complètement en grève comme c'était, non? Non, ça faudrait que ça repasse en Assemblée générale. Okay. Parce que... Je supporte pas la... Oui, c'est ça, exactement. Mais dans le fond, là, habituellement, je serais visuel, là, je l'explique avec un beau petit diagramme mathématique, mais je vais essayer de faire ça... Avec des mots. Là, vous soyez visuel, OK? Je vais vous expliquer ça. Tu sais, le diagramme avec deux cercles qui s'entrecoupent dans le milieu. Oui. C'est avec ce diagramme-là que moi, je suis capable de l'expliquer et que je le comprends bien. Ça, j'aime ça. Tout le monde connaît ça. Ça fait deux ronds qui s'imbriquent l'un dans l'autre. François, est-ce que tu comprends? Tu as comme l'air d'avoir un point d'interrogation. Non, mais je vois pas où tu vas en venir avec ce diagramme-là. Qu'est-ce que de quel bord est dans le milieu? OK. T'as d'un bord, l'AGE. Oui, qui représente l'ensemble des 10 000 étudiants. De l'autre bord, t'as, mettons, communication sociale. Ouais. Ça, c'est pas le centre du milieu. Puis t'as, dans le milieu, étudiant. Donc, tout le monde est étudiant, mais il fait partie de l'AGE et il fait partie de communication sociale. Ouais. Mais avant tout, c'est un étudiant quand il est dans tes deux. Okay. Fait qu'il peut voter son département, qui est comme d'un côté, qui est libre et qui fait ses affaires. Okay. Puis il y a l'AGE-QTR comme qui englobe parce que c'est un étudiant. Est-ce que c'est clair? Oui, je suis meilleur avec les dessins qu'à la radio pour l'expliquer. Je comprends, mais si les associations, 50% plus une, tombent en grève, l'AGE, logiquement, non, représente pas le... comme... J'ai pas la réponse à cette question-là, mais normalement, selon nos statuts règlements, ça doit être décidé en Assemblée générale. OK, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, je vois pas comment on pourrait déroger à ça, mais je comprends le principe. Il faut le faire en personne aussi, l'affaire de vote Internet qui cause une controverse incroyable. Oui. C'est gros, cette affaire-là, on en parlera. Oui, mais c'est ça. Mais pour répondre à ta question, si 50% plus 1 qui est en grève peuvent demander une assemblée générale, puis après ça, on revote une assemblée générale. Les gens ont juste à voter du même bord qu'ils ont voté avec leur association, puis ça va refaire la même chose. En tout cas, vous comprenez un peu le principe. Oui, je comprends. Vous êtes assez intelligent. Merci. Ne nous surestime. Ah, OK. Je vais continuer avec mes petits diagrammes mathématiques. Mais justement, est-ce qu'on peut s'attendre à une autre assemblée générale? Je sais qu'en fait, on avait entendu entre les branches que quelqu'un avait déposé... Quelqu'un avait déposé une demande pour... Une pétition. Oui, une pétition, en fait. Il faut qu'il ramasse sans signature. Ouais. Ça, tout était complet. Légal. Il avait demandé à ce qu'on tienne une assemblée générale. Finalement, au courant de la fin de semaine... Il a retiré sa pétition puis a demandé est-ce que... Après avoir trouvé une bonne centaine de noms, c'est quand même changé d'idée. Ouais, c'est parce qu'il faut que tu veuilles quand même. Ouais. Ben, il a quand même réfléchi, puis je pense qu'il a vu que tu sais, il y a quand même un fort pourcentage des étudiants qui étaient allés voter sur le vote électronique. Ben, c'était parce que le dans deux tiers. Ouais, c'est ça, mais lui, il voulait dans le fond revenir sur la position du vote électronique, justement, là, tantôt tu le mentionnais, ça pose des problèmes pour certaines personnes, donc il voulait annuler ce vote-là. Mais il s'est quand même rendu compte que c'est 6000 quelques étudiants qui sont allés voter. C'est quand même significatif. Il y a eu un débat avec 2000 quelque chose personnes quand même. 2494. Je ne lui ai pas parlé. C'est la compréhension que moi j'en fais de sa décision. Ouais, j'étais juste à le dire, mais en tout cas, il a changé d'idée. Mais bon, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer au courant des prochains jours et prochaines semaines. Ça reste à voir qu'est-ce que les étudiants vont vouloir. Exact. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'il y en a pour la grève. Mm-hmm. Mais bon, c'est pas parce que l'UQTR n'est plus en grève qu'il se passe rien. Voilà. Parce que le combat n'est pas fini. Non, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a des moyens de pression autres? Mais oui. Présentement, oui. Mais là, pas là, à matin à 7h. Non. Ben, 8h et 20. Pourquoi? Mais parce que j'étais à la radio. OK. Pour ça. Mais il y a juste toi qui fais ça. Mais non. Ouais. Non, il y a Sage-Femme, puis il y a Histoire, à EQ, puis il y a plein d'autres mondes qui font les dents. Ouais, puis les étudiants aussi, quand même, que tu sois pas en grève, si t'as le goût de t'impliquer, tu peux. Ben, c'est sûr que si t'as le goût de t'impliquer dans les actions, c'est justement là où je m'en allais. Ce soir, 18h, au 10-12. On se fait un gros comité de mobilisation. Dans le fond, là, il y a un courriel qui a été envoyé à tout le monde qui était là, justement, pendant la grève. Moi, j'ai récupéré les adresses courriel et tout ça. Donc, j'ai envoyé un beau petit mass mail, courriel de masse. Si on veut. À tout le monde. Puis, dans le fond, même si tu n'as pas reçu le courriel, tu es la bienvenue, chère personne qui écoute aujourd'hui à venir au 10-12 à 18h. Étudiant ou pas? Mais c'est sûr que, tu sais... C'est des actions étudiantes, mais tu sens pas. Mais si t'as goût d'impliquer, t'as du temps, tu peux... Ou tu peux nous envoyer des courriels ou n'importe quoi, on est... Sauf pas de haine. Pas de haine. Mais on comprend que ça fait pas le bonheur de tout le monde non plus. Non, c'est ça, exactement. Et c'était une de mes prochaines questions. On sait que le GE, en fait, a été critiqué de multiples parts. Évidemment, c'est dur de faire plaisir à tout le monde, voire même impossible. Ben c'est sûr que c'est dur de faire plaisir à tout le monde, sauf que faut comprendre que c'est un vote démocratique, bien que ça ait été passé à quelques votes de différence. C'est la majorité, je veux dire. Faut la respecter. Exactement. C'est pas tout le monde qui a voté libéral, puis c'est le gouvernement libéral qui est en place. Puis encore une fois, sur le vote électronique, les gens chialaient quand le vote a été en personne. Les gens chialaient à la radio électronique pour que tout le monde puisse participer. Puis le vote est électronique, puis tout le monde dit il aurait fallu qu'il y ait un débat en vraie personne. Ouais. À un moment donné, on peut pas faire les deux en même temps. Non. Puis c'est aussi ce qu'il faut comprendre, c'est qu'accueillir. La question de la grève rend la mobilisation très, très, très importante. Le monde veut être là, parler, ils veulent débattre, veulent écouter qu'est-ce que les autres ont à dire. Donc, c'est une première, une assemblée générale, 2500 personnes, 6000, je pense que c'est 6500, je suis pas trop sûre exactement du chiffre, 6000 quelques étudiants qui sont allés voter en ligne, c'est une première, c'est énorme qu'est-ce qui se passe présentement. Puis là, faut prendre en considération lorsqu'on va organiser la prochaine assemblée générale, qui va avoir 10 000 étudiants. Ouais. 10 000 étudiants trouver une place à l'UQTR ou dans la région de Trois-Rivières, c'est chose pratiquement impossible parce que... Est-ce que tu peux faire ça à l'extérieur? Ben c'est parce qu'à l'extérieur, je te rappelle qu'il neige encore. Ça pose un peu problème s'il se met à neiger avec le système technique et tout ça. Oui, électronique, tout ça. Oui, électronique. Mmh. Donc, c'est un peu touché. On a quand même magasiné à l'extérieur de l'enceinte de l'UQTR, mais on trouve rien de disponible d'assez grand. C'est ça, puis les étudiants n'ont pas l'argent pour se rendre là. Le gaz coûte bien trop cher, etc. Non, mais ça, on avait regardé l'exemple Colisée et autres. Oui, oui. Mais est-ce que pas trop loin? Vous n'avez pas le droit de le faire à plusieurs endroits en même temps? C'est difficile la logistique technique. Okay. Si une personne veut poser des questions, faut qu'ils peuvent. Même à ça, même si on le ferait dans plusieurs endroits dans l'UQTR, on n'aurait pas encore assez d'espace. Tous les locaux en même temps. Mm-hmm. C'est pas tous les locaux qui ont la logistique pour faire une vidéoconférence. Notre studio rentre au moins 15 personnes, peut-être. OK, bon. On va le prendre en considération. Mais il n'est pas disponible. Non? Non. Jamais. Ça coûte combien, Louis, ça? Non, ça coûte cher. Je t'en parlerai tantôt. OK, c'est bon. On en discutera. OK, donc ça, c'est assez pour la grève. Est-ce qu'on change de sujet? Ben oui. Bon, allons-y. Ben oui, la semaine prochaine. Il y a une cabane à sucre. Hey, cabane à sucre, carré de crise, etc. Ça, c'est le fun. T'as envie de le dire. Hein? Juste quand c'est l'occasion. Bacon! Ben oui. Hein? Non, il n'y aura pas de bacon. Pas de bacon. Bacon. Je vois pas. En plus, ça va être comme juste à côté du studio. Non, non. Ça va sentir bon le sucre. Ça, c'est quel jour? Ça dure deux jours, hein? Ça dure une journée. Une journée. Une journée. Ah. Jeudi, 5 avril. En plus, c'est à 50 sous. Pas cher. C'est vraiment pas cher. Non, c'est pas cher. Ça vaut vraiment la peine pour vrai. Venez manger de la d'érable. Je trouve ça si bon. C'est bon, là, en plus, on a comme la petite neige fraîche. Ben oui, ben oui. C'est comme joyeux. Et toute nouvelle, tu sais, il peut pas y avoir de pipi dedans. C'est de la nouvelle neige. J'espère que ça va être pareil jeudi prochain. Oui. Même si je t'en ai de la neige. Ah, peut-être pas. Lui, il se pointe directement avec de la neige. De la belle neige? Ben oui, la belle neige. Je prends ça dans le bois. OK. Dans le bois. Il n'y a pas de pipi d'animaux dans la neige de bois. Non, mais peut-être. Okay. Ça rajoute de la saveur. C'est une surprise. Hein? C'est une surprise à chaque fois. Mais non, c'est une des plus belles journées de l'année, je pense. Oui, moi j'aime facilement. Ça. Moi j'aime ça. Fait que 5 avril, allez faire un tour dans le fond, c'est ça. C'est prêt, chasse-galerie, 10-12. Il annonce beau, tu sais-tu? Il annonce beau. Ah, c'est n'importe quoi la météo. On est bien trop loin. Moi je veux qu'il fasse beau. Fait que j'ai décidé qu'elle allait annoncer beau. C'est bon. Mais François apporte un bon point. Une journée, c'est pas assez. Comme à Chandler. Habituellement, les autres années, c'était deux jours. Si je me trompe pas, là. Non, tu te trompes. Ah, oh, pour vrai? Oui. Moi? Ouais. You're trumping yourself. Ah, bon. Ouais. Mais ça pourra, je pourrais l'indiquer. Oui. Dans mes suggestions pour l'année prochaine. Longue. À l'année longue. Ah, on va lancer des rabes à l'année longue. Oui, okay. Oui. Il n'y a rien de trop beau à l'équiteur. Non. Même pendant l'été. Ben, non, pendant l'été, c'est correct. Ça, je peux comprendre, il y a moins d'étité. OK. Donc, à partir du. Comme début septembre. Ouais. OK. Jusqu'à fin avril. Fin août. Ah, okay. Jusqu'à fin août? Ouais. Donc ça, c'est pendant l'été. Non, mais tu commences à la fin août. OK, même avant que les étudiants arrivent sur le campus. Ben, oui. Longueur d'avance. Prêtes, ouais, c'est ça. Yeah. OK, je vais l'indiquer dans mes recommandations. Puis à place d'un carré rouge, moi, je porterais un carré de tir d'érable. Comme ça, je pourrais me licher à la chemise. C'est une idée. Je t'avais dit qu'il était spécial. Mais en tout cas, ça commence à 10 heures. Okay. Parfait. Fait que je vais vous emporter à 10h. Hein? Mais non, vous allez même pas être à la radio. Vous allez vous en chercher. Ben non. Hey, amène-nous. Au bureau, on est juste là. Quoi. Il y en a qui nous amènent du sucre à la crème. Fait que toi, tu sais, d'érable. Tu vas quasiment dépasser M. Croteau. Je vous rappelle que je vous ai ramené des chocolats, des morphines. Que t'as mangé. T'as mangé mon chocolat. Je n'ai pas goûté ton chocolat. J'ai mangé la moitié de chocolat, OK? Pas au complet. Mais en tout cas, je vous ai amené plein de petites surprises comme ça, là. T'es fine. Je tiens à le préciser. Bon, donc après la cabane à sucre, hein? Oui. Une fois qu'on va avoir mangé. C'est le vendredi saint. C'est le vendredi saint. Après ça, le 9 avril, c'est Pâques. Ouais, c'est le lundi Pâques. Le 8, c'est les Pâques. J'ai vu un événement sur Facebook qui disait le dimanche de Pâques. Ben, à date, le dimanche de Pâques, c'est pas mal juste Pâques. Non, c'est ça. Mais il appelle ça, on dirait, comme le monde, dimanche de Pâques. Mais c'est Pâques. Ouais, c'est Pâques. C'est Pâques. Du Pâques, le 8. C'est ça. Allez voir vos familles, puis revenez-nous en force. Parce que le 12, je dis le 12, c'est le gala des bourses de la GE. Hey. Oui. AGE, GME. Oui, groupe de médias étudiants, ouais. Exactement. On va remettre les bourses en même temps cette année. Ça va être, je pense, une belle expérience. Une belle soirée. Oui, ouais, exactement. Donc, c'est un 5 à 7, hein? Ça va se dérouler ici à la chasse-galerie? Et en fait, ça risque d'être un genre 7 à 9 parce que le monde a des cours. Moi, je sais, c'est écrit 5 à 7, mais. OK. Faut pas se fier sur ce qui est écrit bien souvent. Hein? 7 à 9. 7 à 9. OK. 7 à 9 parce que, comme ça, le monde qui ont des cours peuvent aller à leur cours, puis après ça, venir au gala, récupérer leur bourse, puis fêter avec nous, passer une belle soirée, puis être récompensé. Cool. Tout le monde gagne. C'est ça. Puis après ça, ben là, on va terminer l'année. On va être rendu là, 1er mai, partie de fin d'année. Il risque d'avoir un band de musique et je risque de vous le dire en primeur que ça va. Hey, hein? Ça, comme ça, vous m'avez demandé au début de mes chroniques de vous offrir une primeur. Je vais essayer. C'est le matin que ça se passe ou? Non. Non. Pas le matin. On était en grève la semaine dernière, donc il y a comme des choses qui ont arrêté. Ça va recommencer, fait qu'au courant des prochaines semaines, vrai, vous allez le savoir. En grève, vous avez dormi longtemps, de tard, hein? Ouais. Tu sais, genre 2 heures de sommeil par nuit ou passer des nuits blanches dans le bureau. Non, mais c'est la croyance populaire, tu sais. Ah, les gens sont en grève, qu'est-ce que tu fais rien. Ouais, mais je sais, on s'est comme fait dire par du monde qui était contre la grève. La grève, vous faites ça pour vous, pour votre propre plaisir. Ben oui, sûrement. Et que mon corps a pas eu du plaisir. C'est ça. C'est le fun d'entendre des affaires comme ça. Ouais. C'est vraiment une marque de respect et tout et tout et tout. Non, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Des fois, tout le monde ne comprend pas vraiment les circonstances. Ils comprennent pas en tout, en fait. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on va les informer. Oui, tout à fait. Vous êtes là pour ça. On est là pour ça. Voilà. Puis on termine en rappelant que vous pouvez aller voter pour les élections de la GEQTR, donc en vous rendant sur votre portail étudiant. Jusqu'à demain, 23h45. Voilà. Hey, vous êtes bons. C'est quand le dévoilement? 11h30, vendredi à Chasse-Galerie. C'est ça. Hey. Ça rime en plus. Et ne retrouvez pas plus d'informations sur AGEQTR.org. Merci, Anne-Julie Durocher. Ben, merci à vous, les garçons. Bonne journée. Ben, bonne journée. On veut notre chocolat. Il y en a après Pâques. Après Pâques, qui est en spécial? C'est nous qu'il faut le cuire. Parce que c'est sa fête, je pense, ou proche de Pâques. C'est non, quoi c'est la pas fête? Ma fête. C'est parce qu'à la Saint-Valentin, j'ai pas de Valentin. Je suis vraiment triste parce que j'ai pas eu de chocolat. Fait que là, tout le monde doit m'offrir du chocolat pour Pâques. C'est ça, la règle. Bon. OK. C'est ça a l'air menaçant un peu. Écoute, tu viendras lundi matin ici à l'émission. On va on t'arrange ça. Dans le lundi de Pâques, où est-ce qu'il va y avoir personne? Viens. C'est une surprise. On s'en reparlera le lendemain. OK. On verra. Wow. Anne-Julie Durocher, merci. Merci. Merci, merci. On écoute OK Go tout de suite. Vous êtes ensemble à Joaquie. Voici This Too Shall Pass. Le Passion Pit Sunday Hangover Remix de la pièce This Too Shall Pass par OK Go sur leur album Of the Blue Color of the Sky. On prend une pause et après ça, on parle d'un événement de dégustation de quelque chose. Ça va être super intéressant. Je suis sûr. On sait pas encore c'est quoi. On attend un invité pour le savoir. Ouais, exactement. Mais... Oh, vas-y, comment? Non, mais je m'en vais dire que ça se déroule aujourd'hui. De 10h à 17h, ici même au 10-12 pavillon Néré-Beauchemin. OK, cool. Hein, quoi? J'ai rien dit. On revient. Hey. C'est assez, je pense. Le plan de demain à assemblage requis. Simon Fitzbé améliore nos connaissances musicales dans Phénomène. On parle de politique avec François Landry et on se crée des besoins avec Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Soyez avec nous demain à assemblage requis, il est 7h. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante à Assemblage requis. Bon matin à vous. Bon matin, tout oui, le monde. Bon matin. Hey, on écoute du Trust. Voici Dressed for Space. C'est super bon, nouvelle entrée du palmarès anglophone de la semaine passée. We'll be right back. Intermit, c'est la pièce Le Paradis à Assemblage Requis. Il est 8h44 et on reste en musique pour l'instant. On s'en va entendre une pièce de Feist. Voici l'excellente Mushroom. Sur C'est fou. Helping the kids out of their coat, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planting lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. Maybe years until the day my dreams will match up with my pain. Yeah. Sago avec une vieille taupe à assemblage requis. Il est 8h51, l'émission est presque terminée. Mais avant ça, on a une autre pièce musicale à vous faire entendre et j'ai envie d'écouter du Jacques Mars. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Oh, oui, exactement. C'est excellent. Voici Feu Follet. Du soir au matin, sans trop savoir, je ne sens suivre jamais. Celui de hasard, écoute du destin. Tu m'as souri, j'ai su que tout était bien. C'était le début de la fin. Comme un feu follet, un fossé de savon, qui s'allume, se consume et s'endort dans ses seins. Sorti Jacques Mars, c'est un maxi de 5 pièces, mais ça reste tellement bon et écoutable en boucle pour le reste de la vie. Ouais, c'est bon. Ouais. Maintenant, on va y aller avec la chronique, c'est un fait. OK. C'est un fait Quickie Edition aujourd'hui, donc qu'une rafale de faits sans trop d'explications. C'est un fait évidemment la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. On commence avec un bloc thématique sur la mort. C'est-à-dire okay. Quand une personne meurt, l'ouïe est la dernière chose qui s'en va. Donc oh ouais. La vue s'en va en premier, ensuite le goût, l'odorat, le toucher et finalement l'ouïe. Ah oh ouais. C'est bizarre. Ouais. Une tête humaine va rester consciente pendant entre 15 et 20 secondes après la décapitation. 15 à 20 secondes. Quoi? La tête reste consciente entre 15 et 20 secondes après la décapitation. C'est quelque chose. 100 personnes s'étouffent à mort sur des stylos à chaque année. Okay. 100 personnes s'étouffent avec un stylo. Ça va bien, là. Ça va très, très bien. On a plus de chances de se faire tuer par un bouchon de liège d'une bouteille de champagne que par une araignée. Ah ouais. Quand même. Quand même. Bon, ça boit. Mm-hmm. Quand l'inventeur Thomas Edison est mort en 1931, son ami Henry Ford a capturé son dernier souffle dans une bouteille. C'est ridicule, mais c'est comme ça. On dit qu'au-dessus de 2500 personnes qui sont gauchères sont tuées à chaque année en utilisant des produits qui sont faits pour les droitiers. Ah ouais. Tu sais, comme un ciseau. Okay. Un collègue de travail nous a demandé d'acheter des ciseaux pour gaucher. Ouais, mais comment tu veux mourir à cause de ça? Tu l'utilises mal, tu t'enferges dedans, puis... dans ta gorge. Ok, ok. Je sais pas. Je vais y en acheter. Ouais, ben c'est ça. Tu vas tuer quelqu'un, François, si tu continues de même. Ben voilà, là. Il y en a qui te demandent une agrafeuse. Ça va faire à un moment donné. Ça prend plus de temps pour ton corps de se décomposer de nos jours. Ça prend plus de temps à se décomposer de nos jours à cause des agents de conservation dans la nourriture. Pour vrai? C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Il y a une lampe qu'on appelle une flamme éternelle à la tombe d'un prêtre bouddhiste à Nara, au Japon, qui est restée allumée depuis 1130 ans. Une flamme éternelle qui brûle depuis 1130 ans. Ou encore, c'est ce que les gens pensent parce qu'il y a quelqu'un qui va la rallumer à chaque... en secret. On sait pas. On sait pas. Mais on 1130 pas. Ans que ça fait. Le créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, est la première personne à avoir été... à ce que ses cendres aient été envoyées dans l'espace. Ses cendres ont été enterrées, entre guillemets, dans l'espace. Eh bien. C'est créateur de Star Trek, c'est normal. Ben oui, ouais. Il doit être content. Ben, j'espère. Un travailleur dans une usine au Japon, Kenji Urada, est devenu la première personne à avoir été tué par un robot. C'était dans une usine de voitures en juillet 1981. Tué par un robot. Triste, hein? Squeezé, j'imagine, et capturé. Ouais, ça, on sait pas trop comment ça s'est passé, mais... C'est Quickie Edition, il y a pas d'explication. Ah non, c'est ça. Il y a 5 catégories d'ouragans, François. La plus lente des catégories dépasse un guépard en termes de vitesse, alors que la plus rapide battrait le manège le plus rapide du monde. Eh bien. Eh bien, ça dit pas les vitesses, mais quand même. En passant, un autre fait qui va avec ça. En anglais, c'est cheetah, un guépard. Fait qu'il fallait que je cherche cheetah, guépard. Cheetah. Je le retiens jamais, celle-là, c'est bizarre. Le mot Mali. Tu connais le pays Mali, ouais, premièrement? Le Mali. Le Mali. On l'appelle communément le Mali. Eh bien, le Mali, ça veut dire hippopotame en Bamanankan, qui est la langue nationale du Mali. Le Bamanankan. Ça veut dire hippopotame Mali. Eh bien. Peut-être parce que c'est un gros pays, je n'ai aucune idée. Pas très bon. Il doit en avoir la boule. Hein? Il doit en avoir la boule. Probablement. Il y a un autre pays qui s'appelle le Maori. D'accord? Et le mot Maori en Maori, qui est la langue du Maori, ça veut dire normal. Ah. On apprend des choses. C'est très, très bien. Peter Benchley, OK? Il n'arrivait pas à décider du titre pour le film Jaws, Les Dents de la Mer. Ouais. Son père, Nathaniel, a suggéré, mais qu'est-ce qui me mord la jambe? What's that gnashing on my leg? C'est quelque chose, hein? Ouais. C'est quelque chose. C'est un drôle de nom. 77% des Américains aimeraient mieux abandonner le chocolat que l'Internet. OK. Et 21% aimeraient mieux abandonner le sexe qu'Internet. Ah ouais. Eh bien. Eh bien. OK, devinette maintenant. La péladophobie. Qu'est-ce que c'est la péladophobie, François? Finale de Star Academy qui vient de finir. Ouais, c'est ça. T'as peur de Pierre-Carl? Non. Ça veut dire la peur des gens chauves. Ouais. Eh bien. La péladophobie. C'est intéressant quand même. Louis Braille, tu connais Louis Braille? Ouais, un peu. Celui qui a inventé le Braille. Pas personnellement. Ben non, mais c'était pas ton chummy. Non, non. Tu as pas touché les points noirs pour... J'ai essayé, puis il m'a frappé. Okay. Donc, Louis Braille a inventé un système pour, évidemment, la lecture chez les aveugles, alors qu'il avait que 15 ans. Il avait 15 ans quand il a inventé le système du Braille. Oh. Moi, je suis impressionné. Ouais, ouais. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne encore, donc. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. 1% des Américains vont toujours, encore aujourd'hui, sur Internet avec une connexion AOL par téléphone. Tu sais, AOL, American. 1%. 1%. Faut que tu veuilles, hein? Ouais, il faut vraiment que tu veuilles. Les Américains ont perdu 30 milliards de dollars en termes de téléphones cellulaires l'année passée. Donc, si on compte, on calcule téléphones les téléphones perdus. Voilà. 30 milliards de dollars. Seulement aux États-Unis. Là. Faut dire qu'il y a beaucoup de téléphones là-dedans qui valent vraiment cher. Oh, tu sais, quand ton téléphone coûte 500-600 piastres. Hein. Ouais, ça monte vite. Ça monte très, très vite. Saviez-vous que manger vos crottes de nez, c'est bon pour vous? Et en passant, bon matin à ceux qui déjeunent. Se ramasser, le ramassis, le tourner et puis le manger, c'est bon pour ton système immunitaire. Une étude de Stephen Gates dit que 44% des adultes admettent avoir ramassé des trucs dans leur nez et avoir mangé leur mucus séché. Ce qui est encore plus dégueulasse, c'est qu'ils disent qu'ils aimaient ça. Une bonne grosse proportion. C'est vrai. Gates dit que notre corps est fait pour consommer de la morve, finalement, parce que le mucus nasal, normalement, est avalé de toute façon. Par le corps, donc c'est avalé, donc manger de la cornonnée, c'est pas mal comme manger du mucus, et manger du mucus, c'est ce qu'on fait déjà de toute façon, notre corps le fait. Donc le mucus filtre les choses qui sont contaminées dans l'air, et manger ça, ça aide notre système immunitaire à devenir plus fort et se battre contre ces agents contaminants. On avale beaucoup de notre mucus par notre passage nasal, et ça passe par la gorge, évidemment. Parlant de manger, mais quelque chose de pas mal plus délicieux. En tout cas, moi, j'aime pas ça. En tout cas, j'aimais pas ça quand j'étais jeune. Il y a bien des choses que j'aimais pas quand j'étais jeune que maintenant, j'aime beaucoup. Donc, la pizza hawaïenne, peut-être que j'aimerais ça de nos jours. De mes jours. Peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Donc, la pizza hawaïenne n'a rien à voir avec Hawaï, pour commencer. Sauf si on compte le fait qu'il y a des ananas et les ananas se poussent là-bas, entre autres. Mais c'est pas pour ça que c'est une pizza hawaïenne. En fait, ça n'a même pas été créé aux États-Unis non plus. Non? Aux États-Unis en général. Donc, différentes sources mentionnent que c'était en fait un propriétaire de restaurant grec, Sam Panopoulos, qui a créé la pizza grecque. Pas pizza grecque, la pizza hawaïenne, pardon. Il était le copropriétaire d'un restaurant à Chatham, en Ontario, au Canada, en 1962. Donc oui, Canada, vous avez bien compris. La recette originale, c'était du jambon, des ananas, de la sauce tomate et du fromage. Sam et son frère ont plus tard essayé de populariser une autre invention qui était le Hawaiian Burger, mais ça n'a pas aussi bien fonctionné. La pizza hawaïenne est la sorte de pizza la plus populaire en Australie. On dit que c'est environ 15% des ventes. OK. Pizza hawaïenne. Est-ce que t'aimes ça? Jamais vraiment goûté, là. OK. Et toi, on sait que si tu l'as pas essayé, c'est dégueulasse à la base, ou ça s'existe non, pas, ça existe pas, puis c'est pas bon, puis c'est blague. Arrête donc. Je te niaise, François, je te niaise. Hey, c'est tout pour la chronique, c'est un fait aujourd'hui. Merci. On garde le reste pour une autre fois, on a plus de temps. Bien sûr. Plus de temps. Yeah! C'est tout aussi pour Assemblage requis en ce mercredi matin. Il nous reste une journée, c'est le jeudi, avec notre émission. On va voir Simon Fitzbé demain avec sa chronique musicale Phénomène. Et le retour de François Landry. Oh oui, il est de retour. Ouh, on a hâte, hein? Oui. C'est une belle émission. Les chroniqueurs qui vont commencer à revenir tranquillement, pas vite, là. Exactement. Anne-Julie est venue ce matin. On la remercie d'ailleurs. Anne-Julie Durocher de la GEQTR. On vous rappelle de voter pour les élections de la GEQTR sur le portail étudiant. Allez-y. Et puis, renseignez-vous sur vos candidats en passant par le journal Zone Campus. Il y a des portraits de chacun de ces gens-là. Et sur le portail, il y a aussi des photos et des textes pour chacun des candidats. On va se quitter en musique avec un nouvel extrait de la formation, la formation Plants and Animals. Pourquoi pas? On écoute ça un instant. Si je me rappelle bien de l'extrait, là, c'est le classique Light Show. On s'en va entendre. Super, hein? Bonne journée, super, François. Super, merci Mathieu. Hey, merci à vous d'avoir été là, les petits requins. C'est quoi ça qui est en train de me mordre la jambe? Taran, taran, taran, taran. Point of view. generation.